Regarde, là, bon, mettons, on va jaser, gars, comme, oser changer. Oser changer, là, il nous parle beaucoup, Carlos Castaneda, les plantes hallucinogènes, le chamanisme initiatique, ces affaires-là. Bon, c'est lié à Bernard de Montréal, quelque part. Parce qu'il est allé étudier en anthropologie au Nouveau-Mexique dans les années 60. On est droit dedans, là. Carlos Castaneda, ces affaires-là. Moi, ça, j'ai de la misère avec ça. C'est dans les affaires dans le supramental que je trouve hypocrite. Parce que personne n'en parle. Que Bernard et sa femme, à un moment donné, sont allés. Je sais plus si c'est au Nouveau-Mexique ou carrément au Mexique, mais c'était lié à des affaires chamaniques. Ben, il avait étudié, c'est ça, dans le sud là, des États-Unis, à Albuquerque. Albuquerque, ouais, parce que c'est là que t'as les choses d'anthropologie, par plus, t'es pas loin de l'Amérique centrale. Mais il y a des Fait que. choses, ouais, c'est ça, exact. C'est sûr qu'on avait déjà soulevé d'ailleurs le questionnement à savoir est-ce que, à quelque part, sa fusion instantanée ne serait pas le produit d'une consommation de substances psychotropes qui Et voilà. a Ben, induit moi, j'ai ça. plus de questionnements, personnellement. OK. Parce que je voulais le savoir, hein. Parce que pour moi, c'est important. Je veux dire, on se pose des questions, mais c'est pas les bonnes questions. Puis on se pose des questions qu'on n'aura pas de réponse. Tandis que ça, il y a du monde qui ont vécu en chair, en os. Je veux dire, on est dans le concret, là. Vous voulez savoir ou pas? Bernard, c'était-tu un avatar en contact avec les plans de la lumière qui était mandaté pour engendrer une transformation du psychisme humain par rapport à une dynamique évolutionnaire sur Terre? Oui ou non? C'est-tu réel ou c'est pas réel? Moi, c'est ça que je pose comme question, puis c'est la question que personne veut rien savoir. Parce soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Il n'y a pas de demi-mesure, là, à avoir. Soit c'est un crosseur, soit c'est vrai. Si c'est un mélange des deux, ça se peut. Là, c'est au niveau de sa psychologie. Comme il y en a des cas, on dirait. Dans le sens qu'il était sincère, pas que dans le sens que c'était vrai. Parce que ça se peut qu'il était sincère, mais c'est pas vrai pareil. Tu sais, elles sont là, toutes les possibilités, puis ça, que ça fait peur, que ça fait peur. Moi, Parce ça me que fait pas quelqu'un qui peur, je était t'en sorti parle de la avec toi. dépression, qui était sorti de la Ouais. merde en écoutant Bernard, il veut donc pas m'entendre parler de ce que je dis là. Mais moi, je veux en entendre parler, puis il y a sans doute des gens qui veulent démystifier le phénomène Bernard de Montréal. Parce que moi, en tout cas, dans mon expérience, en étant exposé à ces enregistrements, j'ai perçu une vibration particulière qui sort des gens du quotidien, là. Il y a quand même, à Oui, mon moi avis, un aussi. phénomène psychique qui est là. Et en étudiant d'autres phénomènes psychiques, d'autres personnages charismatiques, en étudiant les phénomènes des différenciés de la perception de sorte d'affaires, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas aussi clair que je pensais. Puis qu'il y avait toutes sortes d'affaires qui entrent en ligne de compte. Moi, l'affaire qui me choque, c'est que les gens qui l'ont connu vraiment, puis qui pourraient répondre pour en parler, il préfère raconter des histoires que Bernard y allait dans des bases souterraines militaires rencontrer des gens qui étaient en contact avec des intraterrestres plutôt que de répondre à des questions très simples, très concrètes. Comme est-ce que Bernard de Montréal a eu des contacts avec Madame Sergerie, oui ou non? Ils veulent pas répondre. Peut-être Puis je que parle, moi j'ai écrit oui. en privé à du monde, puis ils savent, je veux dire, du monde sont au courant qu'ils l'ont connu, Bernard. Puis, ils préfèrent conter des histoires au monde qu'on se compte des histoires de bases Mais c'est souterraines, parce que c'est bon puis pour les d'histoires de codes monde d'écoute. avec des plateaux, genre David, avec des cristaux dessus, dans la maison d'une madame qui avait de l'argent qu'on sait pas c'est qui. C'est-tu madame de Sergerie ou non? Ils veulent pas répondre. Ça, c'est des affaires concrètes qu'il y a du monde qui le savent. Ils pourraient répondre, mais ça, non, ils veulent Ben, entretenir le mystère. c'est ça, mais Ils c'est veulent parce entretenir le que. mystère Ouais. pour le vendre. Voilà, c'est là Puis que c'est j'allais là que emmener. moi je dis tabarnak de calice, de sti de Christ, de Saint-Cyboire, de calice, vous allez arrêter ça, mes hosties. Parce que dès qu'il a commencé à parler, lui, en 1976, si c'est vrai toute l'histoire des plans, si c'est vrai toutes ces affaires-là, ça veut dire que moi, j'étais déjà en train de descendre, puis j'avais déjà le feu au cul. Parce que c'est pas vrai, moi, j'accepterais pas ça. J'accepterai pas ça parce qu'il y a quelque chose qui est malhonnête là-dedans. C'est pas normal, esti, de là, quand c'est le temps de se créditer, ah, ça a été mon ami Bernard, puis je l'ai connu Bernard. Puis oui, quand c'est le temps de poser des questions bien simples sur des affaires bien claires, bien concrètes, ils veulent pas répondre. Puis ils sont malhonnêtes. Puis c'est des fois, c'est par l'omission de mensonge. Chris, c'est tellement lourd de conséquences ce qu'affirme ce gars-là, puis ce que ses sbires, ce que le monde qui est autour de lui affirme. Ça concerne le destin de toute l'humanité. Puis quand je pose des questions simples sur des détails, ils veulent pas répondre, puis ils m'ignorent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que, parce qu'un détail en amène un autre. C'est ça, mais ils n'ont aucun intérêt. C'est parce que si, admettons, Hein? je sais très bien quelle personne tu parles, puis je pense que les auditeurs et auditrices le savent Parle aussi. plusieurs personnes. C'est ça. C'est parce que, dans le fond, si la personne, pendant des années de temps, vend des enregistrements avec des révélations, avec un club, puis là, c'est réservé aux initiés, Ou puis. d'autres qui devaient une nouvelle vision complètement révolutionnaire du psychisme qui va bouleverser ta C'est ça. vie. C'est parce que c'est des implications financières pour des individus. Est-ce que le secret ou des détails compromettants soient pas révélés, ben ils n'ont aucun intérêt. Puis leur intérêt, c'est de nourrir le mythe Bernard de Montréal, initié de la septième race ou sixième, là, peu importe, là. Mais C'est pour bref. ça que l'hypothétique, moi, ça m'inquiète un peu, parce que si on tombe là-dedans à considérer qu'il y a les plans, puis il y a les chiens, puis qu'il y a les mandats, puis tout, ça veut dire que moi, j'étais un esti de chien, puis j'ai un mandat. Parce que moi, je suis pas capable. Parce que, tu sais, comme je te dis, si c'est pas une pulsion ou une impulsion, tout est motivé au niveau de la psychologie. Moi, c'est pas vrai, ça, que je vais m'être fait bouleverser quand j'étais petit de même par des astuces de... puis que ça va rester de même. C'est bien mieux d'être vrai. C'est bien mieux d'être tout vrai. Parce que tout ce qui est vérifiable, je vais le vérifier, moi. Ben là, tout vrai, c'est parce que là, il faut pas passer d'un extrême à l'autre. Parce que moi, Non, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est mieux de... Tu sais, moi, je l'ai dit dès le début, dans ces affaires-là, que ma démarche, à mettons que j'allais tomber sur des choses, puis considérer, me rendre compte qu'il y a des affaires que c'était de la merde, puis c'était pas vrai que j'allais le dire. j'apprécie ton honnêteté puis intégrité à ce niveau-là, mais je voulais quand même te mentionner par rapport aux gens qui ont gravité autour de Bernard. Il y a plusieurs années, j'avais interviewé des séminaristes, des gens qui l'ont très bien connu, puis des gens qui m'écoutent là. Si vous allez sur YouTube, j'ai fait entre autres une entrevue avec Donald Moses, des entrevues avec Daniel Ménard, qui l'a côtoyé pendant plusieurs années, d'autres personnes aussi. Mais en particulier, j'avais fait une entrevue de plusieurs heures avec Jean-Luc, qui est un Européen, qui l'a reçu chez eux. Et ce que j'avais trouvé intéressant par rapport à cet entretien-là, c'est qu'il m'avait décrit, c'est disponible publiquement, là, Bernard de Montréal au quotidien. Puis il m'avait mentionné, entre autres, que quand il l'avait reçu chez eux, il fallait qu'ils lui disent d'aller aux toilettes là, à tous les jours parce qu'il était comme dans une vibration, puis il perdait comme le contact avec les fonctions de base, là, comme Comment ça manger, se aller aux fait que toilettes. Charles Sabourin nous décrit quelqu'un de bien normal? Chacun a sa perception du Non, non, personnage. non, non, c'est pas une affaire de Non, il y perception. a de la C'est là, faut que tu subjectivité l'avertisses là-dedans. pour qu'il chie, là. Tu sais, c'est pas une affaire de perception. Si le gars, il est pas normal, c'est pas une affaire de perception. Moi, s'il faut que le monde me dise quand je Oui, vais l'effectuer, à ce c'est pas niveau-là, normal. mais je veux dire, il y a plusieurs perceptions par rapport à Bernard, là. C'est ça que je t'explique, là. OK. Ça marche pas. Il y a des incohérences par rapport au témoignage. Parce que chacun décrit une personne différente. À un moment donné, là, c'est quoi, là? C'est Peter Sellers, ce gars-là. Quand il était là en Europe, il jouait un rôle, puis quand il était ici, il en jouait un autre, c'est quoi, là? Mais là, on peut répliquer, ben, il y a eu plusieurs périodes de sa vie. Donc, si Sabourin l'a Ouais. connu dans les années 90, puis l'autre, c'était début 2000, un peu plus, C'est ben. ça l'affaire, c'est parce que là, il y a plein d'affaires qu'on ne compte pas. Parce que moi, il y a des affaires qu'à un moment donné, pour comprendre, il a fallu que là, je côtoie, tu sais, puis là, que j'écoute du bavassage. Comme maintenant, tu sais, on vient qu'on ne sait plus c'est quoi, mais à force, on vient que ça se recoupe. Tu sais, il y a des témoignages qui se recoupent, puis il y en a d'autres que tu peux éliminer parce que ça se contredit.